100% rap français, Planète Rap. La Nocturne. Et c'est parti juste après D-Fool pour La Nocturne, 100% rap français sur Skyrock, 100% rap français, La Nocturne, avec une part d'histoire de cette musique ici en France, ce hip-hop français. Monsieur Blackjack des Démocrates D qui est là avec nous. Ah, Blackjack. En puissance et en force. Je t'envoie le dé comme déduction. Ça fait plaisir de te voir depuis parce que ça fait petit moment quand même. Hein. Tant, c'est quoi? Non, mais depuis le temps que j'allais dire qu'on se connaît. Ah, d'accord. Ça fait un sacré moment. Ouais, c'est la première fois réellement que Démocrate arrive dans Skyrock en tant que tel. Bon, il faut raconter aussi l'histoire Démocrate D parce qu'il y a aussi plein de générations qui n'ont pas connu Démocrate D. Démocrate D, c'est au tout début du rap français. Hein. Oui. C'est les toutes premières pierres du rap français. Oui, c'est bien que tu nous donnes tout ça. C'est bien, ça fait plaisir. Bah, tu oui. disais tout à l'heure que... Mais non, mais parce que souvent, on nous reproche de ne pas faire assez de transmission. Donc ce soir, ça va être de la transmission. D'ailleurs, on aura la preuve avec un gros freestyle tout à l'heure. Ah. Avec différentes générations qui se succéderont au micro. C'est pédagogique, Démocrate D. Bah oui. Mais pas pédagogique, chien. Parce qu'il y en a plein qui sont en examen en ce moment, qui ont besoin de se détendre, donc vous allez vivre voilà, un bon moment de détente. et puis aussi, pour ceux qui s'intéressent à cette musique et cette histoire, rappeler un petit peu le parcours de certains groupes de rap qui ont été moins médiatisés que d'autres. C'est le cas de Démocrate D, pourtant qui était là aussi donc, au tout début, hein, Blackjack. Ouais, je veux dire, Démocrate D, c'est très simple. Ce sont les lettres qui expriment mieux le Démocrate D. C'est-à-dire que D comme diction, le E comme envoûtement, le M comme militant, le O comme original, le C comme créatif, le R comme radical, le A comme alarmiste, le T comme terroriste, le E comme expérience, le S comme sagesse et le D comme destructeur. Donc, pourquoi je vous l'ai dit ça? Parce qu'en fait, c'est l'amour du rap en tant que tel. Mmh. C'est-à-dire que le rap... Pour nous, ça commençait au Bosquet, à Montfermeil, exactement. C'était quoi, années 80, fin des années 80 89. Voilà, je suis au Bosquet, je sors de situations difficiles, donc comme on dit, voilà, case, prison et tout ça, bande, tout ça. Et puis, je me mets à écrire en prison, ça fait cliché, mais c'est vrai. Mmh. Je me mets à écrire en prison et puis et finalement, je découvre que le rap, pour moi, c'était rempli d'amour et ça me permettait d'être meilleur. Donc par les mots et par mon expérience de vie. Et donc j'ai commencé à écrire et j'ai réuni autour de moi des amis proches, Inspecteur L, Master Po, Miguel. Et puis finalement on arrive au Bosquet, je fais la connaissance de General Murphy qui me présente Mikey Mooseman. Et puis on démarre notre carrière au Bosquet, dans la cité, on fait des concerts avec les Simpleurs en fait. Mm-hmm. Et puis voilà, et puis ça, l'histoire a fait le reste. Et l'histoire a fait le reste. Et l'histoire c'est quoi? C'est la réédition d'un projet de Démocrate D là en ce moment? Oui, c'est la réédition qui est sortie, donc l'album La Voix du Peuple qui est sorti en 1995. Mm-hmm. Et puis aujourd'hui qui a été réédité depuis le 25 mai exactement. Voilà, 25 mai, il y a 3 semaines de ça, et c'est sorti, donc c'est disponible partout, collector, vinyle, mm-hmm. et puis sur tous les téléchargements légaux. Légaux. Et puis, je me permets. Mais tu as raison. Et puis, si mon nouveau single aussi. Devine qui revient aussi que tu as fait tourner. Ouais. Qui a eu du mal d'ailleurs la première semaine. Il y a eu un petit problème, un petit bug. J'en suis désolé, tiens, je fais mes excuses d'ailleurs parce que c'était prévu, c'est vrai, sur une semaine et on a eu un petit bug. Voilà, au moins là, les fans ils savent parce qu'ils attendaient et ils s'avéraient qu'ils n'ont pas entendu le titre. Bah là, ils vont pouvoir se régaler parce qu'il y a plus d'une heure de prévu avec toi au micro, Blackjack. C'est toi qui vas ambiancer la Nocturne. Ah. Il y aura des invités, je le disais, qui vont nous rejoindre tout à l'heure aussi. Hein. Des grands noms de cette musique qu'on marquait aussi. Des grands noms qui ont permis justement à Démocrate D d'être là où nous sommes aujourd'hui. Et puis surtout, je veux dire, on n'en envie rien à personne, Démocrate D. Je veux dire, pour nous, le rap, c'est pour les jeunes et les auditeurs qui nous écoutent ont besoin plus, tu vois, de rap hardcore, intelligent, de rap de rue, de la rage avec amour. C'est essentiel dans l'art. Et puis la un parcours, c'est ce que t'expliquais, toi. C'est vrai que ton parcours plus jeune a débuté d'une manière un peu dure, brutale, comme plein de jeunes qui nous écoutent. La vie est brutale. La vie est brutale. La vie est brutale, mais voilà, il y a aussi tout un parcours. Toi, on en parlera durant l'émission, mais t'as monté une assoce pour aider justement les jeunes de quartier, exactement, faire un lien, ouais, donc qui est très important. Pour moi, c'est important parce que s'investir comme ça, pour moi, c'est preuve de bonne volonté. Le rap aussi a ses vertus, c'est que non seulement c'est de la musique en tant que telle, mais si, mis à part, elle peut changer les mœurs, adoucir les mœurs, comme me disait souvent mon pote Solar. Voilà, c'est important, il faut qu'on mette ça à bon escient. Et si on mettait un peu de musique pour se replonger dans le parcours démocratique. Ouais, justement, DJ Caillou est là. DJ Caillou est là, et avant de se replonger, évidemment, il faut deviner qui revient. Deviner qui revient. Donc devine qui revient. Et après, on se replonge dans la discographie de Démocrate. La voix du peuple. Blackjack au contrôle de la Nocturne, 100% rap français. Damn. En puissance et en force. Damn. Damn. Damn. La jeunesse en pense. La jeunesse en pense. À part que les jeunes préfèrent faire beaucoup d'argent. Yeah. Regarde ce que la jeunesse en pense. La jeunesse en pense. À part que les jeunes préfèrent faire beaucoup d'argent. Je m'adresse à ceux qui me comprennent mieux. Quand je parle aux jeunes, bien sûr ils me prennent pour vieux. À ceux de m'en décider quand est l'endroit de la force. Force. Au point d'apporter un gun et tirer sur son prof. Stop. Aussi court les nerfs, fait que les gamins n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Au détour d'un bloc à peine 10 piges, j'y vends du shit. Tu me connaissais, oh. Tu serais étonné oh. De ma vie. Oh. Maintenant j'ai des gosses, une femme, une famille et plus d'amis. Mon quotidien rime en minutes. Au simple cloche de la pendule, il suffit d'être vendu pour être évidemment suspendu. Boum, boum, boum, glat, glat, devine. Un big up on Mike et Moose, man. Joe Papi. John West. Prodige, redoutable. Yeah. Devine, qui revient. Regarde ce que la jeunesse en pense. La jeunesse en pense. À part que les jeunes. Ce que la jeunesse en pense. La jeunesse en pense, pense. À part que les jeunes préfèrent faire beaucoup d'argent. J'arrive vertu en smoking. Je préfère porter chapeau melon. Du rap français, je suis le king. Ma tête est grosse comme melon. C'est rare de grand oh. Tandis que sans perdre bien sûr quelques millions. Donc je suis sur la mise pour éviter toutes ces flûtes, ces violons oh. J'ai bénéficié de savoir immense. J'ai tiens. Dû me préserver dans l'abstinence. J'ai dû quitter pour devant cette violence. Pour retrouver l'honneur de mon enfance. Oh, du taf ou du cash. Taf ou du cash. Back pour du gâchis. Back pour du gâchis. Pacte avec Dash. Dash avec Dash. Les jeunes se détachent oh. Pas pour les tâches de guerre de coups de hache. Hache. Je garde lui ma classe. Classe. En quittant la casse. Ooh. Ce qu'on cherche c'est du taf. Taf. Prochain projet fasciné qui va sortir en septembre. Game oh. Qui revient. Regarde ce que la jeunesse en pense. La jeunesse en pense. Big up à Titou, Godfrey. Yeah. Beaucoup d'argent, les monnaies cash flow. Regarde ce que la jeunesse en pense. La jeunesse en pense. Pense. À part que les jeunes préfèrent beaucoup d'argent. Quand tu prononces mon nom, Blackjack, on te paye en rap monnaie. Quand tu restes tard le soir, les jeunes font du cash monnaie. À peine dans la fac, tu n'as rien dans les poches et pas moyen. La société ne veut plus de toi. Le chômage obligé d'y croire. Refrain. L'égalité des chances, c'est nos toits. Vrai. Ouais, ouais. Tous égaux devant DJ Carus. En direct de la Neptune, Blackjack. Démocratie en puissance et en force. Damn. Refrain, j'oublie pas mes méfaits. Damn. En puissance et en force, c'est la Neptune. Hey Sam, Takin Jula. Again, again, again. Hey Fred, Takin Jula. Fred, Takin Jula. Yeah. Yeah. Anjula, Takin Jula, ça veut dire mets-moi le feu aux fesses. Eh bah écoute, j'ai sorti l'extincteur. Afrique Tolérance. Yeah, juste pour les amateurs. Afrique Tolérance, dédicace à toute l'Afrique. En puissance et en force, démocrate, D. Yeah. Afrique Tolérance, c'est la vie de tous les jours, c'est contre les guerres, contre les conflits. Et puis pour la prospérité de l'Afrique, c'est important. Il faut qu'on bouge. Allez, Caus, donne ça, donne ça, donne ça, donne ça. Les gouvernements, yeah, ce sont des grands fainéants. Les gouvernements, ce sont de grands fainéants, ce sont des dictateurs, j'en ai marre d'avoir peur. Je m'exprime au micro, c'est pour donner la dose. Dans la vie, c'est pas positif. Ils ont tué mon père parce qu'il aimait la paix. Ils appellent sa bavure, c'est une injustice pure. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous salue. Afrique, Afrique, Afrique tolérance. La démocratie chez nous, ça n'existe pas. Tout ça à cause des putes vierges venues pour ça. La vie est difficile, la vie est pénible. Les années passent, on n'avance pas. Les crédits augmentent, les pays sont en faillite. Je suis un messager, je suis positif. Pour vivre en Afrique, il faut être actif. Afrique, Afrique, Afrique tolérance. Afrique, Afrique, Afrique tolérance. Sans condition, quand je prends le microphone. Ma passion en question sur la jeunesse du monde. Sans éducation, sans imagination, mos. Le dictateur, je vois les taggers, les graffeurs, les tapeurs. N'aie pas peur, c'est pour la paix. Je demande le respect à tous mes frères. Ouais. En boy respect. Mos. C'est pour la paix. Facteur. Facteur. Le rap signifie pour moi politique, critique, véridique. Diction. L'appel, le dire des plans, mensonges, fiction. Démocrate. Passion dans la nation, le manque d'argent dans notre pays, Africa. Oui, désolation, oui, désolation. Afrique, tolérance. Big up à toute l'Afrique. Afrique, tolérance. À tous les amis de l'Afrique. Yeah. Le docteur vers nous donne, c'est de dire la vérité. Travailler la terre, oublier la flemme. Nous sommes les démocrates, les enquêteurs. Facteurs de la vérité, rappeurs de la société. Afrique tolérance, la famine en Afrique ravage petit à petit, les Européens s'en moquent. Les Africains s'en sortent. La vérité dans le problème est toujours le fric. La drogue, la mafia, encore le négatif. Afrique tolérance. Yeah. Un big up à Dodo. Détroit Sud, Afren, le vœu de Mickey, Mouse, Dem, de Mikey Mouse, la sister Maimouna. Allez, c'est la yeah. Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Daddy Yod, Thomas Sankara. Black man, oh, range ton gun si c'est pour chaud. Black man. Non, black man, range ton flingue si c'est pour chaud. Black man, King Daddy Yod, oh. On dit que t'es wicked, on dit que t'es solide. Pour un rien tu speed, pour un rien tu liquide. Des pauvres gens qui ont le ventre vide. T'es comme un soldat qui a la tête vide. Black man, range ton gun si c'est pour shoot. Black man, cha-da-da-da-da-da. Black man, range ton flingue si c'est pour shoot. Black man. On s'achète un flingue comme on achète des fringues. Malheureusement, on s'achète un flingue comme on achète des fringues. La police a des fringues, les woodboy aussi. Ils sont dingues, démocratés, guerriers mandingues. Black man, Soumaro Kante, en puissance et en force. Yeah, ah. Black man, range ton gun si c'est pour chaud. Black man. Et rangez vos guns. Range ton gun si c'est pour chaud. Black man. Oh, pull up. Yeah. J'aime bien parce que ce morceau, ça s'appelle le sein de glace. Imagine-toi le sein de glace. Je l'ai écrit à Clichy, hein, Clichy-sous-Bois, pas loin du cimetière. Et parce que j'avais l'impression que j'étais en train de mourir à l'intérieur de moi-même. Et donc j'ai écrit ce titre, j'ai dit, j'étais déjà mort, sorti de ma tombe, outre-tombe. J'étais déjà mort, sorti de ma tombe, outre-tombe. Oh, une mort douce qui m'emporte, je vais plus loin. Une grande porte ouverte ou fermée. Pour que je pleure, pour que je supplie. Prime. Pas de réponse autour, je ne comprends pas la question. Clé, déjà mort, j'ai crié dans ma tombe. Être noir est ma fierté. Connaître mon histoire, ce qui s'est passé. Né pour mourir, le titre de mon film. Mais aussi la réalité de cette vie. Les flics pour les voleurs, l'enquête pour l'inspecteur. Le dossier, monsieur le commissaire, la décision plus procura. Le juge à la fin de ma liste. La chaîne du fils qui te suit, qui me suit. Tu me suis, je n'ai plus peur de la mort brutale. Que Dieu me protège, un esprit me parle. Déjà mort, sorti de sa tombe, outre tombe. À mort. Le prix de la vie, l'amour, l'ennemi. L'égalité, le racisme, la discipline, l'ennui. Société. Pour le changement, je suis une morte. Perdu parmi celles qui font plus de mal. Aïe aïe aïe, j'ai mal. Mon âme, mes pensées se métamorphosent. Le restant de mon corps respire, inspire. Chaque chose a une fin, le pauvre meurt de faim. Le riche de solitude, d'habitude, de bien, de rien. Les jours passent, on vieillit, on devient pire que pire. Il est vampire. Ma haine passée, dépassée. Je voyage, j'ai fait toute la terre. Espérant voir l'homme changer. Personne ne va me la fermer. À mort, le cri des juges dans un palais de justice. Déjà mort, sorti de ma tombe, outre tombe. J'ai eu tort, quelquefois raison. Me voici maintenant à l'intérieur d'un autre. Je serai là le jour venu. Je suis près de vous, vous ou loin de vous, vous. Tu t'en fous, vous tourne. Pousse-moi à bout, un coup, et tu tombes dans ce trou. Agite au calme, le mal ne va pas l'emporter. blessé, il m'a blessé. Le bien m'a soulagé, lentement, sans me stresser. Sans interrogation, nation de domination, de corruption, de mensonges, de religion, d'extermination. Les moments les plus la colère de la nature. Le feu démocrate brûle. Yeah. D comme diction, E comme envoûtement, M comme militant, O comme original, C comme créatif, R comme radical, H comme alarmiste, T comme terroriste, E comme expérience, S comme sagesse, D comme destructeur. Oh, oh, oh, déjà mort, sorti de ma tombe, autre tombe, en direct de Skyrock, la nocturne. Yeah, un big up à Free, à mon association, démocrate des studios. Yo, à tout le festival hip-hop d'Orléans. Le 27, je serai à Orléans, en direct live. Demain, je serai à Lyon, au 4ème, à la 4ème édition du Challenger Body Art. Yeah, avec God, Free, yeah, Evry, Ivry, 9-3-9-1-9-2-9-3-9-4-7-5. Toute la banlieue parisienne. Oh, tous les glands, Abidjan, Adjam Tala. Yeah, toute l'Afrique en puissance et en force. Yeah, personne ne va me la fermer. Ha, Mike Moss, on t'entend de là-haut. Yeah, inspecte elle. Oh, déjà mort, sorti de ma tombe, outre tombe. Yeah. Non, à mort. Ha, yeah. Les petits démons, Millical, Mamad, yeah. Quincy, le petit Quincy, j'oublie pas. Yeah, il faut que j'envoie une dédicace quand même, Fred. Vas-y, vas-y, vas-y. À tous les petits, tu vois, la future génération. Donc il y a Quincy qui est le fils de mon DJ, tu vois, qui est là. Et il y a Sarah aussi, la fille de Gottfried. J'oublie pas aussi mes propres enfants, you know, Moses, Malia, Ousmane, et puis Myriam, Fatim. Et puis aussi, j'oublie pas les enfants de mon manager qui m'a toujours sous-train. Mais viens, comment tu peux? Viens, envoie une dédicace à mes petits filleuls. Yanis, yeah. Maëlys. Yeah, Yanis et Maëlys. C'est important, les enfants, c'est la génération. Et puis DJ Gaius, place le tien aussi. Big up à mon fils Quincy. Yeah. Théo, Chloé, je vous embrasse. Voilà, c'est important. Et à tous les enfants de tous nos frères, de l'enfant de Maïmouna. Maïmouna, donne une dédicace aussi aux petits. Au petit, il faut. Ouais, c'est branché. Ouais, dédicace à mon fils Ismaël. Et en plus Ismaël, mon grand frère s'appelle Ismaël. Voilà, c'est ça, démocrate. C'est démocrate et c'est le partage. Yeah, avec exactement. Black Jack au contrôle de la nocturne 100% rap français, avec des extraits justement qui ont marqué l'histoire de démocrate. C'est réédité, on peut retrouver ces morceaux, Black Jack. Oui, là directement dans les bacs depuis le 25. Mm. On les retrouve partout dans toute la France. Et ça, c'est une opportunité que j'ai eue et que j'ai mis en place avec Musicast, si je peux me permettre de les citer. Permets-toi, vas-y. et avec le soutien, j'aime quand justement les médias s'ouvrent comme ça, comme le vôtre. C'est important parce que tu vois, je me suis rendu compte que en fait, tu sais, j'ai pris quelques notes. C'est marrant. Tu es venu avec. Oui, non, mais c'est marrant parce que je me suis rendu compte que Skyrock a été créé le 21. Un 21 mars. Et moi, 21, c'est Black Jack, évidemment. Ah ouais, bien joué. Deuxième chose, la première radio avant Skyrock s'appelait La Voix du Lézard. C'est vrai. Et La Voix du Peuple. Et La Voix du Peuple, encore un autre point commun. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas fini. Je continue encore. Un troisième? Ah oui. Alors, allons-y. Ah, jamais un 203. Mais moi, je fais avec 203. Et catégorie, la catégorie dans laquelle Skyrock est, c'est le C et le D. Le compte est bon. Le compte est bon. Le compte est bon. Le compte est bon. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois? Donc, je me suis dit, c'était un grand jour aujourd'hui. Et tu c'est vois? Un grand jour pour Black Jack. En tout cas, ça fait plaisir de te retrouver à l'antenne, au micro de Skyrock. Un petit mot quand même, justement, parce que toi, t'as vu l'évolution de ce hip-hop, de ce rap français maintenant et de ce qui est devenu aussi le rap français. Est-ce que tu le trouves toujours intéressant? Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent? Est-ce que tu n'aimes plus? Non, moi je trouve qu'il est bien. Juste qu'il est guère. Il est guère nécessaire de dire qu'on aime tous le hip-hop, tu vois. On aime le rap, on aime la force du rap. Donc il faut que ça continue dans cette constante évolution. C'est juste ça. Mais sinon, moi, je suis fier parce que, je veux dire, notre rêve, c'était quoi? C'était que les jeunes soient en baggy, qui rappent, qui nourrissent des familles, qu'on ait une radio, qu'on ait du hip-hop, qu'on ait des concerts rap, tu vois? Après, le reste, c'est le reste. Mais notre souhait, parce que nous, à notre époque, on n'avait rien. Aujourd'hui, je vois, quand je marche dans la rue, j'ai l'impression que, voilà, c'est notre époque, mais en millions, millions, millions, millions de pixels. Avec aussi Internet, c'est vrai qu'il y a, voilà, qui fait que les compteurs sont à zéro, parce que voilà. Tu peux très bien exister de n'importe où, n'importe quel endroit, et faire du hip-hop, faire du rap. Hein. Les jeunes aiment le rap, ça c'est incontestable. La jeunesse aime le rap, les gens aiment le rap, il y a des amis, il y a des initiés du rap. Et je pense que ce qui est plus important, c'est d'apprécier ce moment de rap. Ce moment de rap que la vie nous donne. Parce que nous, on est parti de rien. Et grâce au rap, aujourd'hui, on construit, on crée des festivals hip-hop dans les villes comme Orléans. Et on construit des festivals à Abidjan, en Suède. Et voilà, on a des connexions et c'est grâce au rap. Donc c'est important. C'est pour ça que je dis, quoi qu'il arrive, on ne crache pas dans la soupe. Eh ben merci Black Jack de le rappeler. Sinon la soupe te crache dessus. Aussi. Et puis elle peut être chaude parfois et tu peux te brûler. Non, mais ça c'est quand t'es pas patient. C'est quand t'es pas patient. On est reparti sur une nouvelle session. On est reparti sur une bonne nouvelle session. Une bonne nouvelle parce que ça, c'est the cream. En anglais, on dit the cream. La crème de la crème. Tu vois. T'es en voyage avec toi, Black Jack. Hein. Mais tu sais pourquoi c'est la Scandinavie. C'est vrai. C'est la Scandinavie. C'est vrai que tu es scandinave. Je suis scandinave. Tu es viking. Fier de l'être. j'ai pu créer ce link, comme on dit, la connexion entre un Soumaoro Kanté et un Ivoirien grandi à Jamtala avec justement la Suède, une Suédoise merveilleuse. Et j'envoie un gros big up à toute la Suède et l'Europe unie en même temps, tant qu'à faire. Et toute l'Afrique et le monde entier. Avec Envoie le crime. Et le crime, c'est Mike Mooseman qui nous envoie un big up. Écoutez ça. Le gros hit du rap français. Le crime et le crime et le crime. Tant qu'à faire. Quand on écrit ce morceau, Mike Mooseman me l'a présenté. Il m'a mis ce morceau. J'ai dit, mais ça, c'est de la tuerie. Et évidemment, ça s'appelle le crime. Amoureux du crime en série. Laisse ça. Amoureux du crime, de la tuerie en série. Le meurtre me tente. Ma vie, amoureux du crime, de la tuerie en série. Encore. Amoureux du crime, de la tuerie en série. Le meurtre me tente. Hante ma vie. Amoureux du crime, de la tuerie en série. Le meurtre me tente. Hante ma vie. Écoutez. Depuis, je ne peux plus dormir. Non. Je fais des conneries, je fais de l'insomnie. Les nuits de pleine lune, j'ai envie de sang, de tripes passionnants, plein de trucs violents, j'aime ce qu'est dément. Léviathan, le vice et Satan, je suis impudent, je tue impunément et je n'ai vraiment aucun pas de sentiment. Je ne suis pas un homme. Je suis un assassin, ambulant, œil pour œil, deuil pour deuil, 100% dent pour dent. Je fais le mal pour le bien, consciemment, pour le plaisir seulement. Et non pour l'argent, je suis ni le bon, ni la brute, ni le truand. Moi je suis dingue et je flingue simplement. Yeah, ce morceau a créé un scandale énorme à l'époque. Mais continuez, deuxième partie, on y va Mousse. Quand c'est l'heure, c'est l'heure des meurs, ouais. L'horreur me fait pas peur, je kiffe quand quelqu'un meurt. Oui. Le pire pour moi c'est le meilleur, je riais du malheur et j'en pleure de bonheur. J'ai pas du tout de cœur. En moi sommeille l'esprit d'un profanateur. Que dit de plus que ça? La loi du Seigneur, à mes yeux, les 10 commandements n'ont pas de valeur. J'induis la justice en erreur et les keufs montent dans leur collimateur. À bon entendeur, salut aux amateurs. Je ne fais pas de faveur. Non. Je fais la lune de l'observateur. Mon regard inspire la fureur. Oh. L'image de la frayeur, c'est le visage de la terreur. L'air provocateur à la Jack l'éventreur. Style, l'ombre le baratineur. Oh. Dans le genre Holmes le docteur, j'ai tout d'un pur, d'un vrai malfaiteur. Hey yo, big up Mike Mooseman, l'auteur du crime, démocraté en puissance et en force. La réédition, allez vous procurer la réédition immédiatement les gars. Pour l'amour du risque, du cynique, du tragique, des pratiques mystiques, fanatiques, diaboliques, machiavéliques, maléfiques. Je sème beaucoup la panique, je suis un danger public. Comme dans le film de Stanley Kubrick, titré Orange Mécanique. Une fresque cinématographique, une fiction psychédélique. Je vous se passe la réplique d'un putain criminel authentique. je fais la chronique, la sentence pour mes victimes est catégorique et je reste stoïque. La scène est dramatique et je reste statique, récitant des versets sataniques. Je suis sadique, une saloperie, un type pathétique. Je fais flipper même les flics que je fais sans cesse. Tourner en borique, pute vierge. Je suis problématique, je me moque de la peine capitale et puis du système juridique. Yeah, big up à General Murphy. Yo, ce titre, le crime, a fait saigner l'encre dans le hip-hop français. Et DJ Caius est sur la place, en direct de la Nocturne, spécial démocrate de la reddition, avec Black Diak en puissance et en force, leader de démocrate D, fondateur de démocrate en puissance et en force. Bon, yo, hey, yes. Écoutez ça. Aujourd'hui, c'est plus comme avant. Yeah. Très tôt maintenant. Yeah. Les jeunes sont conscients. Oh. Elle est derrière les potes de grand-maman. Mathieu Ruben. Personne ne peut me la faire, même si je suis un enfant. Oh. Dis-toi qu'aujourd'hui, c'est plus comme avant. Très tôt maintenant. Les jeunes sont conscients. Elle est derrière les potes de grand-maman. Personne ne peut me la faire, même si je suis un enfant. J'ai grandi avec mes erreurs de jeunesse. Petit à petit, j'ai appris à détacher la laisse que j'avais. Oh, de mon père. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, dis-toi qu'aujourd'hui j'ai plus comme avant. C'était un pull-up. DJ Caius sur les platines. Derrière les potes de grand-maman. Personne ne peut me la faire, même si je suis un enfant. Yeah. Dis-toi qu'aujourd'hui c'est plus comme avant. Très tôt maintenant, les jeunes sont conscients. Elle est derrière les potes de grand-maman. Personne ne peut me la faire, même si je suis un enfant. J'ai grandi avec mes erreurs de jeunesse. J'ai appris à détacher la laisse que j'avais au cou sans l'aide de mon père. Comme un voyageur à la recherche de nouvelles terres. Oh, je chantais dans les ruelles de mon quartier, les bosquets. Ma vie à tous ces gens dégoûtés. Avant les amis de mes amis devenaient mes amis. Aujourd'hui les amis de mes amis sont mes ennemis. Les temps ont changé, les mentalités ont évolué. Le monde est devenu un pénitencier pour moi. Rempli de prisonniers tous prêts à s'échapper. Pourquoi je vois l'arme qui tue le criminel se cacher devant des témoins qui restent bouche bée. Yeah, Mathieu Ruben, big up. Aujourd'hui c'est plus comme avant. Pablo Master. Tôt maintenant, les jeunes sont conscients. A Daddy Yard, General Murphy, I Miss. Personne ne peut me la faire, même si je suis un enfant. Oh, dis-toi qu'aujourd'hui c'est plus comme avant. Très tôt maintenant, les jeunes sont conscients. A tous les Rastas de Paris. Yeah, Dan Soul. Se contentait de rien. Non. Je ne suis plus le gosse qui restait toujours dans son coin. Non. À attendre que la Sainte Vierge revienne. Yeah. Les temps ont changé, place à la jeunesse urbaine. Remplie de haine, toujours prête à manifester. Fester. La colère de toute une génération qui se sent dupée. Œil pour œil, dent pour dent, à 100%. Oh. Jones, le nouveau slogan. Les anges sont devenus des mécréants chercheurs d'argent au ciel. Un enfant a tiré son autre enfant. Encore, encore une mauvaise journée qui commence. L'enfant s'est passé si vite, tellement, tellement vite. Aujourd'hui, je peux dire enfin, nous sommes quittes. J'ai fait du mal pour faire du mal. Maintenant, je pleure parce que je me sens si mal. Ouais, damn. Oh. Dis-toi qu'aujourd'hui, c'est plus comme avant. Dis-toi qu'aujourd'hui, c'est plus comme avant. Les jeunes sont conscients. Les jeunes sont conscients très tôt maintenant. De grand-maman. Yeah. Personne ne peut me la faire, même si je suis un enfant. Dis-toi qu'aujourd'hui, c'est plus comme avant. Très tôt maintenant. Les jeunes sont conscients. J'envoie un big up à l'association des Ivoiriens à Orléans. Personne ne peut me la faire, même si je suis un enfant. J'ai pas encore 10 ans, mais j'ai les yeux ouverts. Quand j'allume la télé, Mathieu Ruben. Certains sont riches, certains vivent dans la misère. Faut toujours être le premier si tu veux pas être derrière. Bienvenue dans la cour des grands, là où les flingues bang bang se vendent par centaines. Par centaines. Les cartouches sont gratuites, pour ceux qui voient la haine. Vendre son arme par désespoir. Et noyé par le sang, je voyais du rouge déteindre ma couleur noire. Noir. Je suis l'ange qu'on croit. Je suis un malin à la recherche de quoi. Je suis un malin à la recherche de sa proie. Démocrate en puissance et en force. Comme avant, très tôt maintenant. Yeah, les jeunes sont conscients. Elle est derrière les potes de grand-maman. Personne ne peut me la faire, même si je suis un enfant. Un enfant. Dis-toi qu'aujourd'hui, c'est plus comme avant. Très tôt maintenant, les jeunes sont conscients. Elle est derrière les potes de grand-maman. Personne ne peut me la faire, même si je suis un enfant. Un enfant. Dis-toi qu'aujourd'hui, c'est plus comme avant. Très tôt maintenant, les jeunes sont conscients. Elle est derrière les potes de grand-maman. Personne ne peut me la faire, même si je suis un enfant. Yeah, yeah. Attends, pull up selecteur. Again. Yeah, je voulais dire quand même que c'est important ce que j'allais dire, parce que je suis en concert dans le festival hip-hop d'Orléans qui commence du 24 au 28. Je serai en concert le 27 à l'évêché. Merci beaucoup, Fred. Mais on va parler un petit peu, t'as raison de faire une petite pause. Yeah. Est-ce qu'il faut rappeler quand même deux, trois choses? Ah, c'est bien, tu t'investis là. C'est pas mon genre. Salaud, va. Hey, reste correct. Il y a les fans qui entendent là. C'est vrai qu'en plus avec toi, je vais pas jouer trop le show. Parce que... Voilà, sinon c'est le show qui va jouer avec toi. Ah ouais, ça peut aller très loin. Bon alors vas-y, rappelle-nous, parce que c'est vrai que toi, t'es un citoyen du monde, tu voyages partout. Et t'as 2-3 valises qu'ils ont posées, donc en Suède, on le disait, à Orléans aussi. Ouais, en Côte d'Ivoire aussi, à Abidjan. Et en Côte d'Ivoire, évidemment. Ouais, c'est important. Et de temps en temps au Sénégal, ça m'arrive aussi, au Tchad aussi. Mm-hmm. Et de temps en temps à Chicago aussi, ça dépend. Et là, bon, alors juste, on va rester en France, à Orléans, il y a un festival, c'est ça, un festival à pas louper? Oui, il y a un festival à ne pas louper, surtout parce que j'ai initié ce festival dès la première édition à Orléans, avec des associations. Et donc, c'est du 24 au 28 à Orléans. Ma voix se casse, tu vois, elle se casse. Mais je sais qu'il reste des forces derrière ce... Non, il y a toujours de la force, c'est en puissance et en force. Ouais. Au contraire, c'est quand elle se casse que ça devient intéressant. Oh merde. Ça blesse, tu sais, c'est comme les verres. Ouais, c'est ça. Donc, Orléans au festival, ouais. Donc le festival est important, il faut venir, nombreux. Et voilà, je serai donc le 27 en concert à partir de 18h30 à l'évêché, c'est le jardin de l'évêché à Orléans. Et il y a Blacko aussi qui passe aussi. Et puis il y a un MC qui s'appelle MC Radical. Mmh. Et puis il y a beaucoup, il y a d'autres rappeurs, il y a Med Killa, il y a Joe Papi, il y a plein de rappeurs qui vont, voilà, il y a Manigance. Festival Orléans. C'est la semaine prochaine. Et je serai aussi demain à Lyon, ouais, la 4e édition du Challenger Body Art. C'est l'art de rue, là, le sport de rue. Ouais. Et donc, c'est à la berge des Rhônes, c'est à Lyon. Donc, il faut venir. Donc, Lyon, demain, là, enfin, ce soir, samedi. Hein, c'est samedi. Du 20 au 21. Du samedi et dimanche, à ne pas louper. Je serai là-bas, je vais donner un showcase aussi. Toujours autour de la réédition de l'album La Voix du Peuple. Et donc, allez vous procurer l'album. C'est Blackjack au micro, Démocrate D au micro, avec La Voix du Peuple qui est réédité. Voilà. L'album qui était sorti en 1995. Et là, maintenant, 2015, et c'est la fête. 20 ans. C'est les 20 ans. On célèbre en plus avec la Nocturne. Et il y aura un gros freestyle d'ailleurs tout à l'heure, avec beaucoup de monde qui sont en train d'arriver. Là, tranquillement, ça s'installe. Un énorme freestyle. On vous en reparle d'ici quelques minutes. Un énorme. Donc on va continuer là. Et bah, quand tu veux, coup d'envoi Caius. Caius dans la peau d'un noir, c'est ça. Puisqu'on l'est, on restera en tant que tel. Donc c'est un big up à toute la souffrance. Troisième millénaire, yes. Le bourreau m'a dit sang, la puissance ténèbre. Madison, big up, Christo, Okital. Dans la peau d'un noir, dans ma vie de nègre, ce n'est pas qu'un moment, pour moi c'est tout le temps. Parfois j'y pense simplement, puis j'enlève les pansements sur les plaies d'hier, mes sentiments. Y'a tant de gars qui m'ont raté, qui rêvent des quitte sommeil, de me supprimer, m'assassiner, de me voir crever. Pute vierge, je le sais, il y a encore dans les portes pour ma peau à marcher. Déjà dans l'histoire, c'est ce qui s'est passé, autant on emporte le vent à jamais. C'est fini de me bassiner, de me bluffer avec des fables, des contes, des mythes tirés, titrés. De légendes complètement, tellement, purement inventées, insensées. Pendant que la gloire de nos pères, de nos mères, m'en dit depuis des siècles le respect. La puissance des nègres, n'ayez pas peur. C'est tout d'accord, c'est tout d'abord, c'est pour la paix. C'est une parabole, une parole, un symbole gravé, sacré, dur comme fer dans ma mémoire. Tu peux me croire quand je pense à toutes ces confusions, nation contre nation, où se trouve la solution? Face au pouvoir d'un système discriminatoire pour le noir. Yeah yeah. Un big up à Inza Kone. Yeah, il va se reconnaître lui-même. En puissance et en force. Écoutez ça, dans la peau d'un noir. Dans la peau d'un enfant noir sans espoir. Les larmes aux yeux, je me rappelle de plusieurs guerres tribales. Victimes du bien, du mal, des guerres des nerfs, des rafales de balles à tous ces gens morts pour leurs droits. Pour leurs droits. Personne n'a eu autant de chance. La démocratie n'a pas fait sa loi. Encore une fois, je crois en l'histoire quand j'y pense. Minute de silence. Pour tous ces rest in peace, noirs, guru. Pour la liberté du peuple noir. Bon Dieu, que c'est sombre. Pourquoi tant de tombes? Pourquoi tant de bombes au fond de mes yeux? Le tonnerre gronde. La vengeance aux armes à feu. Des mises à compte. Le fusil à pompe qui nous tombe. Yeah. Dans le corps d'un homme fort vient de ses efforts, remplis de remords pour la vérité, le respect des morts. La lumière du ciel m'éclaire au ciel. Je me sens fort dans le hardcore. Écoute mon corps, ma raison de vivre libre. Libre. Pour le noir, Dave, Caro, Kira, Olivia, Dem. Voici mille et une raisons pour prendre position. Abattre d'une droite la droite de l'opposition. Dans la peau d'un noir, je vous expose des problèmes causés par ces fanatiques de droite plus à droite que l'extrême. Passe et là, rien ne change. Il me cisse une salle. Sony MC, noir serait les anges. DJ Sick. Dans mes pensées, je songe à mon passé. Autant hanté par les mensonges que par tous ces mal placés. À toi et sans bodyguard, je poursuis les choses. Middle League, sage poids de la rue. C'est en fait un sage agité. MC Sola. À prendre des décisions fermes. 501, j'arme puis pointe mon arme, tout m'est permis. Dans le royaume des songes, je rêve que je nuis. Sous ni nuit, lorsque voir sans se penser. Blessé, heureusement pensé, symbole d'un passé irrémédiablement dépassé. Passé, d'une vie passée. Dans la peau d'un noir, pour le noir. Mon pensée s'obscurcit. Lac, J, Moss. Démocrate. 1993, Paris pour. Oh, pull up, again, yeah, again. 1993. Oh, Paris, non, on va, tu vas couper cette partie. Pull up. On va faire 2015, en puissance et en force, sur Skyrock. Oui, tu envoies. D'accord. On essaie. En direct. On y va. Envoie ça. 2015, en puissance et en force, sur Skyrock. Paris Brooklyn. Oui. It's the good, it's the bad. Oh. Good. Oh. Guru. MC Sola. Good. Yeah. The good, the bad. Le bien, le mal. Yeah. DJ Kaius. Leave it. Oh. Semblable que tous les faux semblants de la force humaine aboutiraient au néant. C'est une boule en face. Comme aïe, polo. Jusqu'à la lumière. Oh, du vent. Remets ça. Je peux pas me retenir. Du vent, il a dit. Il était vraisemblable que tous les faux semblants de la farce humanitaire aboutiraient au néant. C'est une boule à facettes, comme dans les discothèques. Ça reflète à la lumière et sans elle. Du vent. J'aime les images fortes car je suis comme toi. Le poids des mots et le choc des hey, yo, guru. It's time to get up, time to change the world cause I'm fed up. We're gonna expose the wrong that's been going on. Oh. There's people dying in the streets still. In every city, lots of kids they be ill. I live in Brooklyn, got boys all over. Been around the world and you know that hey, yo, I know the good. Le bien, le mal. Big up, group home. DJ Primo, Guru. Yeah. L'homme qui prend le microphone se nomme Solar. Maître de la rime, bon accompagné de comparses de Gangsta. Paris en France comme dans la Rome antique. Imite le maître, mal que le maître comme Spartacus. Limite le maître qui millimètre après millimètre jette l'intellect à des kilomètres. It's your town, guru. Crazy madness, it's all I see out my window. It doesn't matter who's the president. Yo. I hate to tell you, but slavery is still in effect. Haven't you checked? Us black folks, we ain't free yet. I make a bet, if we don't let the truth out, evil will win without a doubt. Hey, yo. And it's the good, good, the bad. Le bien, yeah. Le mal. Jeru Jamaja. Yeah, à tout le hip-hop français. Yeah, c'est le bien. Oh, yeah. Rest in peace. Guru. Hommage à Guru. Précurseur du hip-hop. John Ferrer. Jazz Mataz. Chez Jean. Écoute ça. Obstacle. Imagine grace of high seeing you face to face. Shaking hands, literally shape to shape. Gifted unlimited rhyme, a universal gangstar. But in an instant, classic jazzmatic hears the brain fall. Time is elusive like the state of grind. That's all left behind, the supersede the shine. Imagine grace of high seeing you face to face. Shaking hands, literally shape to shape. Gifted unlimited rhyme, a universal gangstar. But in an instant, classic jazzmatic hears the brain fall. Time is elusive like the state of grind. That's all left behind, the supersede the shine. The universal ruler of the jazz skit scat. Beepity bop bop mixed in with the ghetto smack. We love to get you back, we love to get you back. Nous attendons le retour nous attendons le retour. Hommage à Gourou, à Gangsta et à Jazz Matas. Famille les précurseurs du hip-hop, celui qui a mélangé rap et jazz. Retiens bien son blason, père un frère, une journée noire, ça part sur le move. Le hip-hop est en deuil, nos drapeaux sont en berne. À sa famille tout entière, que la terre lui soit légère et qu'il repose en paix. Rest in peace. Cela a dit, le silence est d'or, alors je me tais. Moi le silence est dur, alors je me tue. Gourou, t'as de la carrière, de la prestance, du style, la vertu du vrai MC au multiple swing jazzy. À l'heure où la rue te pleure, tu peux être fier. Notre frère, on te rend honneur, tu restes dans nos cœurs. Jazzy, fils, c'est le résumé, le gerbe d'une vie. Quand t'es ami vient de mourir, Gourou, je pense à toi. C'est pas facile d'encaisser le son vivant. C'était une star du rap aux USC, bien avant Tupac, Biggie et Ben Beyoncé. C'est la Nocturne et c'est Monsieur Blackjack au contrôle de la Nocturne, 100% rap français avec donc hommage évidemment à Gourou. C'est ce qu'on écoutait à l'instant, Blackjack avec aussi ce morceau incroyable, hein. Le morceau où on retrouvait MC Solar, le bien, le mal. Yeah, yeah. Le bien, le mal. J'étais en train de chercher mon microphone. Encore une histoire de bien, de mal. Non. C'était un petit mot, ouais, sur Gourou, évidemment. Yeah, Gourou pour moi était important parce qu'il a fait quelque chose qui était important pour le hip-hop français, parce que il a rendu les lettres de noblesse, tu vois, au rap français, internationalement. Il a sorti le premier single, donc internationalement reconnu. Donc le bien, le mal avec Claude. Il y avait du monde autour, tu vois. Il y avait vraiment, voilà, il y avait Mike Mousseman, il y avait moi-même et Gourou. Il nous est big up. Il a big up le rap français et c'est important. Je veux que ça continue, tu vois, qu'internationalement on reconnaisse justement le rap français en tant que tel. Et puis il y avait l'hommage, donc évidemment à Gourou qu'on écoutait juste derrière. Aussi, j'attendais que tu me dises justement l'hommage. L'hommage à Gourou, c'était important pour moi justement pour que la nouvelle génération puisse comprendre et qu'en France, on reconnaisse justement que ce type-là a apporté, si je peux me permettre de l'appeler ainsi, a apporté beaucoup au rap français et via ce titre-là, c'était une reconnaissance et c'était un big up pour nous. Donc c'était important de le faire. Très bien, genre, les invités commencent à arriver petit à petit, il y a un gros freestyle qui se prépare. Yeah, et là, je crois que tu voulais qu'on fasse une petite pause. Ouais, une petite chanter. Pause. Voilà, chanter, il y a moi et un autre rappeur. Ouais. Audace. Audace, introduis-toi, n'est pas ouais. C'est la génération, il faut les introduire tous. Et il est venu avec Titou justement du crew de Titou. Et il y a Maïmouna, chanteuse R&B. Yeah. Et puis il y a Afrique et nous justement qui arrive là et qui sera aussi dans le freestyle. Yeah. Donc il y a du monde qui arrive et là on va commencer doucement. Tout doucement. Et tout doucement, c'est important. R&B, c'est hip-hop, c'est R&B, c'est important. Et après on va finir avec le gros freestyle avec toutes les générations réunies. Et donc au revoir ça, DJ Caius. Oh, yeah. Appelle-moi spécial. Oh, Ryan. Yeah. Toujours. Skyrock, un Black Jack, démocrate en puissance et en force. Non, dans la nocturne. No. Yeah, freestyle. Afri. Hey. Maïmouna. Yeah. It's been a long time. Audace. Oh. Yeah. Celui qui règne par les bang bang. Périra par les bang bang, que justice soit faite. Maria en a marre d'entendre les mêmes flingues, les détonations qui rendent dingue la cité, c'est là. Aucune chance de s'en sortir. Ici on reste là, planté avec nos mêmes fringues. Voler les gosses, jouer avec des seringues qu'ils ont ramassées quelque part dans un coin. On achète des armes au coin de la rue aussi rapidement qu'on trouve du shit. Yes, soit un mec a buté un flic aussi rapidement qu'on tire une voiture. Ce milieu est pourri, on est comme lui, une seconde nature, question de survie. C'est la devise du petit des lions. Démocrate en puissance et en force dans la nocturne. Dans les studios de Skyrock. Démocrate en puissance et en force dans la nocturne. I'm free. Yeah, yeah. No. Come on, babe. Tu ne connais ni moi ni mon style. Où tu vas, tu dois freestyle. With my man Black Ryan. Yeah. Devine qui revient. Démocrate. En puissance et en force. Démocrate. En puissance et en force. Venu tel un messager. Venu pour nous éclairer. Venu pour nous conseiller. mélodie. À jeu, j'ai perdu l'harmonie. T'es baissé, je l'ai maudit. L'avancée, c'est le seul souci. Come ma 91ème symphonie fait partie de tes ennemis. Si t'aimes être soumise, j'aurais 50 millions de crétolis. Sur terre, entre deux guerres, sans enfer, j'irai prendre l'air. Où je sais ce que c'est la demeure, pas facile par les salaires. J'écris de sec et bois des verres, forcé, recrache tout par terre. La faucheuse a ses critères, elle m'a noyé, tu le sais. De la mélodie au silence, j'écris à la France qui tremble. Avant qu'elle parle de dépenses, guerre et le mot ensemble. J'ai pas su trouver d'avenir dans la seule rue du futur. Mais j'ai bien su me tenir face aux mauvaises infrastructures. Surtout ne pas suivre une note, mais plutôt enchaîner les shots. Une fois sorti du bloc, plus personne met un glock. Que des airs mélancoliques qui passent aux substances chimiques. Trop de gens dans cette logique, histoire de partir fuir le. Hey, sans moi écoute bien mes vibes. Ne t'arrête pas, je te dis oui, c'est dangerous. Yes, on dirait que oui, la nocturne. C'est quelqu'un qui est devant nous, et puis c'est dangereux. Mais personne peut nous stopper. Écoute bien, vous êtes stand. C'est comme ça, ça se passe, c'est dangereux. Appel A, c'est qu'à dire que Jacques m'est fausse. Rap sans cesse, écoute bien, chaque fois on toast. Un freestyle maison, y'a rien de tel. Ici, écoute bien, le style est mortel. Mais on est accompagné de Afri. C'est pas de ma faute, mon gars, c'est ici. Yo, installe-toi, oui, fais ce qu'il faut. Scarra, A, c'est qu'à dire, j'ai dit oui, c'est l'homme qui a personne, y'a faute. Yeah, en puissance et en force. Number one. Yeah. Yeah. Yeah. On est là. On est là. Yeah. On est démocrate. Yeah. La jungle. En puissance et en force. En puissance et en force. Yeah. Une fois de plus, deux fois de trop. Écoute bien, Wiss Style, j'ai pris le métro. Donc j'ai débarqué ici à Skyrock. Qu'est-ce que je me suis dit, putain, je suis gonflé à bloc. Yo, oh, yo, c'est la nocturne. Yeah, yeah. La nocturne. Mousse. La nocturne. La nocturne. Yeah. Appelle-moi un free. Yeah. My nigga, black. Oh. Démocrate, fort déjà. Hein. Yeah, yeah, c'était juste un petit abonco. Ouais, une petite page un petit de pub, vite fait. Ouais, c'est, j'en prendrais bien plusieurs comme ça. Bon, Blackjack avec nous ce soir dans la nocturne 100% en France et la réédition du projet Démocrate D. Yeah, yeah. En attendant aussi ton projet qui arrivera au mois de septembre. Yeah, le projet s'appelle Fasciné. Il y a un deuxième titre qui va sortir dans, après le 25 là, de ce mois, qui s'appelle Kurubata. Kurubata. Kurubata. En argot ivoirien, ça veut dire l'attentat. L'attentat. Voilà. C'est verbal, c'est voilà, c'est sauvage, c'est tribal, c'est scandinave. Ouais, c'est viking. C'est viking. Bon, Blackjack, on fait une dernière session de, yeah, de son. Yeah, yeah, on fait une dernière session. Ouais, on continue justement avec quelques morceaux et puis après on finit avec le gros freestyle avec les gens que tu nous présenteras dans un instant. Voilà. Blackjack au contrôle. Blackjack de Démocrate au contrôle. En puissance et en force. Hey, Caius. Oh, inédit. Inédit, juste pour Sky, juste pour la nocturne. Inédit, Créteil, toutes les banlieues. Hey, hey, hey, surprise. Démocrate, démocrate. Damn, oui. Yeah. Le fait de se retrouver aujourd'hui sur la même table, sachant qu'on a fait tellement de choses ensemble, mais à l'instar de tout ça, on ne pousse pas. Je défends. Stopping. Là, je fais le passage à la nouvelle génération. C'est comme ça, nous, on passe, tu vois, le flambeau. On passe le flambeau comme ça. Tiens, tenez. Un relais. Oh, un relais de 1000 mètres. Envoie ça. Envoie ça. Envoie ça. Yeah. Millican Blackjack, Mamad, MC Janik, inédit, exclu. Je m'appelle Frère Fier. Jamais joué à la radio. Il n'y a pas 40 histoires comme la nôtre. Allez, non, il n'y en a pas 40. Démocrate. Aïe. Damn. Oui. Yeah. Le fait de se retrouver aujourd'hui sur la même table, sachant qu'on a fait tellement de choses ensemble, mais à l'instar de tout ça, on ne pousse pas. La défaite, au contraire, on resserre les rangs entre frères aussi on souhaite. Les années nous ont forgés, les jeunes sont devenus des grands frères. Les bandits sont en cavale, le peuple de plus en plus vénère. Je vous ai vu grandir comme la prunelle de mes yeux. Comme la prunelle de mes yeux. Manifeste la présence de Dieu. Pour moi, la boucle est bouclée. Fais passer le flambeau. L'amour d'un seul couplet qui fasse gay ou pas beau. Prends ton chemin ou aide-nous à porter nos fardeaux. Trop de couteaux dans nos propos nous conduira au tombeau. Philosophia, toi. toi qui me porte dans tes bras. L'amour de la sagesse, je crée hasta la vista. Là, là je rétrograde. Les années passent, ma volonté ne prend pas une rite. Ma vérité, guerrier mental, reconnaissance du risque. Maman reconnaissant, timide, reconnaissant, lucide. Jeune Africain recherche diplôme sur un point public. Les sentiments subsistent, mais les problèmes persistent. Alors on s'accroche à nos rêves pendant que les autres c'est subissent. Là. 10 ans après, je suis le même petit démon. J'absorbe les émotions puisque nos cœurs sont des éponges. Aucune tendance ne peut effacer. Je papy passé, recolle les morceaux si le diable ramasse les peaux cassées. En train de courir, motivé par mes écrits. Levez vos poings en l'air, le poids des mots dans nos récits. Damn. Toujours accroché. Dans nos cœurs, dans nos têtes. Nous ne manquons pas de lâcher du lâcher. La femme est réunie. Oh, oh, oh, yeah. Si je meurs ce soir, yeah. Voici ma dernière demeure. Mon dernier souhait. Voici ma dernière demeure. Mon dernier souhait. Le jour où je meurs. Sonne le glas d'une nouvelle ère. Fuck la terre. Braquons les guns en l'air. Sachez que chaque vie a son jour et son heure. Yeah. Mes pleurs envahissent mon cœur. Ma putain de rancœur. Chanteur, rappeur, provocateur. La vie c'est as. Va pas croire que c'est l'as des as. Va pas croire que c'est sans ça. Ça a toujours été. MC Larso. Prends de l'ampleur. Mon style est novateur. Seul mon producteur me cautionne sans aucune peur. Question d'honneur. Je veux l'argent par le beurre. Avant de partir, avant que sonne ma dernière heure. Drôle d'humeur. Je crains le créateur. Frères et sœurs, j'ai un instinct d'un déserteur. Ma vie se résume en clair, celle d'un prédateur. Qui cherche sa proie, réunit 6 pieds sous terre. Père et mère, ici, je n'ai plus de repère. J'ai perdu mes valeurs depuis la mort de grand-père. Je ne peux me taire, je préfère mourir que de subir. Face à l'adversité du mal qui nous rallie. Si je meurs ce soir, fuck la terre. J'ai sûrement dans le journal comme Nino Ferrer. Les jours passent et la vie suit son cours. La politique reste la même que tu votes contre. Et si je meurs ce soir, fuck la terre. J'ai sûrement dans le journal comme Nino Ferrer. Les jours passent. Hey yo, Mr. Larso. Dis-leur, dis-leur, dis-leur. Un. Si je meurs ce soir, fuck la terre. J'ai sûrement dans le journal comme Nino Ferrer. Yeah, yeah, yeah. Négro, vive oh, l'enfer, oh, Satan, oh, Belzébuth oh, plane oh, sur la planisphère. Si ne je parle meurs pas ce d'anges soir. Qui volent, ça c'est du bluff. En vrai, ceux qui kiffent sur terre ont serré plein de meufs. Si je meurs ce soir, c'est la merde sur Paname. C'est comme les excréments qui fument dans un hammam. Je suis vivant dans la mort, appelle-moi survivant. Pire qu'un réfugi, je deviens mort vivant. Phénoménal, dans le journal de Claire Chazal. MC Solar, patrimoine mondial. Je suis pas Nono, le petit robot. La nuit du lys, mais l'arceau. Le héros, l'ami du disque, movie star, porno star. La peur t'entends, si je meurs, je veux que tout le monde pleure. Si je meurs ce soir, fuck la terre. J'ai sûrement dans le journal comme Nino Ferrer. Les jours passent et la vie suit son cours. La politique. Oh, le titre de l'album, La Voix du Peuple. Voilà la réédition. General Murphy, yeah, Mike Mossman. Damn. Je vise avec mon temps, je suis l'instinct. L'instant. Je m'adapte à toutes les galères. Production DJ Sick. Même quand la vie devient de plus en plus dure, je lâche pas l'affaire parce que je suis plus heureux. Big up Jimmy Jones. C'est l'heure dont je ne fais plus de faveur. Roots, Willy. J'accomplis ma mission de rappeur. J'écris sans cesse, cela évite le stress qui me presse chaque jour dans mes actions. Oh. Stop la violence, le slogan de la nation provoque dans mon cœur une certaine réaction. Je deviens anormal, presque carnivale. Je n'ai plus pitié de la police nationale. J'entends les pleurs et les cris de ma mère. Assis tout seul par terre revendiquant sa haine contre le fils de pute qui a tué mon frère. J'ai General Murphy, écoute, manger, écoute, écoute. Oh. Oui, quand je pense ouais. À mes frères et sœurs, j'arrête dans le système avec un peu. Du pain, du beurre. Je pense qu'on ouais. Travaux à contre-cœur. Je défonce les portes du mensonge pour dire à la société c'est quelques vérités. Je vis soi-disant au pays des droits de l'homme. Mais tous les jours je dois éviter de me faire buter. Oh. Crever par les policiers. Uh-huh. Et si je manque de chance, je me fais flinguer. Bang, bang, balle dans un dos. Don Pablo. Oh, l'esprit de Bosque. Dédicace à toute ma cité. Clichy-sous-bois, l'esprit de Bosque. Rest in peace à tous ceux qui sont morts à l'esprit de Bosque. JL. J'ai pris l'esprit du Bosque, plus personne ne peut me stopper. Quand je commence à parler de problèmes de cité, l'harmonie habite dans tous ces gens de quartier. Mais ses ennemis sont des policiers armés. Ceux qui tirent sont sommation au nom de la loi. Oh, pull up! Stop it, stop it! Quand on parle de l'esprit des Bosques, on parle de Livry-Gargan, on parle de Aulnay-sous-Bois, on parle de Montfermeil, on parle de Drancy, on parle de... Clichy. Fait mal. Clichy-sous-Bois. Chez Sevran Livry. Non, parce que... Attends. Parce que tu sais, ça c'est là-bas tout a commencé. Quand je parle des Bosques, j'ai plein de visions sur moi. Donc c'est pour ça que je suis ému, parce que c'est cette cité qui a permis à Démocrate d'exister. Donc je veux ce silence pour l'esprit des Bosques. Ce morceau-là, il est authentique. L'esprit des Bosques. JL, l'esprit des Bosques. À tous les gars, laisse. Personne ne peut me stopper. Quand je commence à parler de problèmes de cité, l'harmonie habite dans tous ces gens de quartier. Mais ses ennemis sont des policiers armés. Ceux qui tirent sont sommation au nom de la loi. Feront du mal à tous ceux qui passeront par là. Sous la route de la gloire, tout le monde veut voir pour croire. À l'école de la rue, on t'apprend à respecter l'homme inconnu qui vient juste d'arriver. Non, ne le teste pas, il n'a rien à te prouver. J'ai appris à ne pas faire toujours les mêmes erreurs. Car quand l'honneur est en jeu, c'est souvent l'horreur. Je viens de la banlieue nord, du quartier du corps à corps. Prends-moi si j'ai raison et dis-moi si j'ai tort. La voix du peuple te donne le choix. Pour une fois, écoutez, entends l'esprit des Bosques. Oh, la paix face aux armes, dédicace au génocide. Et aujourd'hui, encore l'Afrique pleure toujours. Là, il y a deux morceaux sérieux là. Attends. La paix face aux armes, c'est contre les conflits, contre les armes, contre les guerres en Afrique, contre les génocides. C'est important, ce morceau, quand je l'ai écrit, c'était à l'époque du Rwanda, et à chaque fois que je l'entends, c'est tellement d'actualité qu'il faut bien écouter les paroles. Et ça, on va les laisser jusqu'au bout, on n'enchaîne pas ce genre de morceau. Envoie ça, la paix face aux armes. Écoute. Et aujourd'hui, encore l'Afrique pleure toujours ses morts. Autour de moi, j'ai l'impression que personne n'a des remords. Un enfant est mort au Rwanda et sa mère est morte sur le chemin vers Kinshasa. Mon sang coule à distance. Donc face à la politique, je prends toujours mes distances. Plein de guerres s'enchaînent partout. Le massacre Tutsi, les coupeurs de tête, je l'ai autour. Malgré ça, les États gardent le même discours. Relis les lignes de la vérité, tu ne peux plus l'éviter. Pour la survie de notre société, reste démocrate sur moi pour la nouvelle traversée. À nos armes. La paix face aux armes, aux armes. Ou les armes face aux armes, aux armes. Les télés parlent de guerre en Yougoslavie. Des rafales de balles éliminent plein de vie. Devant des casques bleus, souvent inactifs. Allongés sous un ciel bleu, quel kiff. L'ONU ne veut plus prendre beaucoup de risques. Pour tous ces pays qui n'ont plus assez de fric. Des morts sur la conscience enterrés, médaillés en plus. Pour la circonstance m'oblige à lancer l'assaut. À prendre d'assaut toutes ces télés, toutes ces radios. Tous ces dépôts et tous ces journaux de facho. Mais pour le respect des morts, je laisse les armes. Même si j'ai tort, je suis la paix face aux armes. Pour quelques minutes de prière dans le cimetière, je suis la voix humaine, la voix de mon frère. À nos armes, la paix face aux armes, ou les armes face aux armes. Yeah. Thème de la cité des Bosques. Oh yo Jones, pousse le son. La guerre ni pour les bombes chimiques. Je suis plutôt pacifique, c'est normal, je viens d'Afrique. Là où l'espoir renaît et grandit de jour en jour. Là où la dictature va bientôt finir son parcours. Donc place aux démocrates des Bosques. Écoute la vérité même si elle te fait pleurer. Je représente tous ces jeunes qui ne veulent plus se taire. Et tous ces refrains qui ne veulent plus celle se faire. Bon. Mais pas vraiment cet comportement puisse. À tous les jeunes qui font la différence. À nos armes. La paix face aux armes. Ou les armes face aux armes. La paix face aux armes. Oh! Again. Yeah. La paix face aux armes, yes. à bas les armes, à bas la guise mon pays, à bas les armes, à bas la guerre, à bas le pouvoir qui divise mon pays, à bas les armes, la guerre, tous les pouvoirs qui divisent nos pays, à bas les armes, again, à bas la violence, yes, bon, bosque, yeah. Yeah, en puissance et en force. Kourbata, attends, ça c'est le remix. Le remix de Devine qui revient, exclu sur la nocturne. Damn, en puissance et en force. DJ Kaïs envoie ça. Oh, oh, Devine qui revient. Devine, c'est oh, et qui revient. Devine, viens, Devine qui revient, c'est Blackjack. Oh, Bombo Glatt, Devine qui revient, Devine, Glatt, Dès qui revient, que de bombom, Glatt, oh, qui revient, oh, c'est démocrate, Dès qui revient, Devine qui revient, regarde ce que la jeunesse en pense, à part que les jeunes préfèrent faire beaucoup de monnaie cash flow. Oh, la jeunesse en pense, à part que les jeunes préfèrent faire beaucoup d'argent. Je m'adresse à ceux qui me comprennent mieux quand je parle aux jeunes. Bien sûr, ils me prennent pour vieux. À se demander si l'école est l'endroit de la force, au point d'apporter un gun et tirer sur son prof. Au secours, les nerfs fait que les gamins n'en peuvent plus. Au détour d'un bloc à peine 10 piges vendent. Si tu me connaissais, tu serais étonné de ma vie. Maintenant j'ai des gosses, une femme, une famille et plus d'amis. Mon quotidien rime en minutes. Au 5 cloches de la pendule, il suffit d'être vendu pour être évidemment suspendu. Oh, bom bom bom, glatte, Devine qui revient, c'est démocrate. Dès qui revient, la réédition 2015. Oh, depuis le 25 mai, allez vous procurer l'album. Devine, la jeunesse en pense, à part que les jeunes préfèrent faire beaucoup money cash flow. Oh, la jeunesse en pense, à part que les jeunes préfèrent faire beaucoup. J'arrive vêtu en smoking, j'préfère porter chapeau melon. Du rap français, j'suis le king, ma tête est grosse comme un melon. C'est rare de grade en standing, s'en pète bien sûr quelques millions. Donc j'insiste sur la mise pour éviter tous ces flux de violons. J'ai bénéficié de savoir immense merde. Man, j'ai quitté pour de bon cette violence. Oh, retrouver l'honneur de mon enfance. Oh, du tap pour du cash, back pour du gâchis, back t'avais dash. Les jeunes se détachent, back pour des tâches de guerre, de coups de hache, Je garde ma classe. Oh, en quittant la classe, ce qu'on cherche c'est du taf. Ayo, bom bom bom, glatte. Devine qui revient, c'est démocrate. Dès qui revient, que des bom bom bom, glatte. Devine qui revient, c'est démocrate. Dès qui revient, regarde ce que la jeunesse en pense. À part que les jeunes préfèrent faire beaucoup d'argent. Tard le soir, les jeunes font du cash money. Quand tu sors à peine de la fac, tu n'as rien dans les poches et pas de moyen. La société ne veut plus de toi. Le chômage obligé d'y croire. Oh, frère, l'égalité des chances, c'est notre. Mais, ouais, tous égaux devant la langue. J'encourage tous ceux qui ont du succès. Oseille, oh, refrain, j'oublie pas mes méfaits. Non, j'oublie pas mes méfaits. Blackjack, démocrate, dès sur la nocturne. Écoutez ça, juste pour finir, avant le freestyle énorme. Aux Oxy, Oxy, sage poète de la rue. Mikey Moss, Blackjack. Yo. Mes frères, mets le fil au bandit, bandit, dans le jazz. C'est comme ça se passe. Écoutez. Yo, écoute. Dans la vie il y a tellement de... Dans la vie il y a tellement de choses qui nous font plaisir. Il y a tellement de choses qui nous font plaisir. Il y a tellement de choses qui nous font plaisir. Il y a choses qui nous font plaisir. Il y a tellement de choses qui nous font plaisir. Il y a tellement de choses qui nous font plaisir. Cet été j'ai été Harlem car tel était mon désir. Là-bas les mecs rapent dans la rue comme à la Mecque. Certains s'y ruent. Pas la rappel de check le micro si t'es bête nos techno cul. J'ai travaillé dur. Au niveau. Au début j'étais nouveau, maintenant je suis ancien, je bute mes rivaux. Je suis flivo. Si j'estime que je vais vous 3 millions de dos ou donc Steve Renault. Yo, ma langue est une élève, mon micro est un flingue. Moi est une seringue des droits d'âge, bon je suis la plus dingue. Attrape ma démo. Yo, je roule avec BJ. Et quand Mike se moque, je ne suis pas cool avec la PJ. J'imaginais jadis la vie d'un parrain. J'ai travaillé dur, aujourd'hui j'en suis un, je rappe bien. Mais comment pourrais-tu oublier Philoda, ni Dano Stilo. Les mecs de ma cité qui chaque lundi vendent des kilos. Tu veux savoir pourquoi? Parce que pour vivre, certains sont prêts à faire n'importe quoi. Chez moi, ceux qui ne respectent pas se font rosser. Même si tu ne t'appelles pas Brigitte, on te jette dans le fossé. Tu me compares à Carlos, car Mary m'explose. Sur psychopathose, Henri Moore en prose. Ose me défier et je te tire dessus. De moi, tu peux te méfier car je suis sale pour être de la rue. Ou c'est comme ça que ça se passe. Yeah. Maintenant, regarde ta face. Regarde ta face. Et voici l'amour du risque avant le freestyle final. De la nocturne, yeah. Oh, là on pose, on calme, c'est important. Là c'est relax. À cette heure-ci, on a besoin de bonnes vibes. Yes. Merci à Fred avant tout. Merci à Skyrock et à toutes les radios qui permettent au rap d'exister. À R&B, à dancehall, écoutez ça, l'amour du risque. Je me présente, Docteur. Le cinglé. Enfoiré, psychopathe, recyclé. Yeah. Plus raté. Un vrai taré mental. Je détiens un sérum de la mort. J'ai un mix pour le corps. J'ai un fixe prêt encore. Sans effort. Chill, chill, chill. Je mêle ma sagesse. Un grain de folie. Et ça pour tous ceux qui m'ont trahi. Chill, ma nigga. Tu peux chill, ma nigga. Oh. Qui évite des. Écoute, personne n'y peut rien. On m'appelle docteur Lovorien, docteur le malsain, psychopathe, pas médecin. Mais j'ai toujours le mot de la fin. Tu peux chill, ma nigga, personne n'y peut rien. On m'appelle docteur Lovorien, docteur le malsain, psychopathe, pas médecin. Le mot de la fin. Yeah, le mot de la fin. Eh, hey, c'est pas fini encore, hein, parce qu'il y a un gros freestyle, il y a du monde qui arrive dans le non, studio. Non, mais c'est la fin avec F-A-I-M. La fin, c'est un de tes combats aussi d'ailleurs, lutter contre la faim avec les différentes associations, les yeah. Que tu fais. D'ailleurs, on peut avoir plein d'infos sur toi, Blackjack. Donne-nous deux fois. Oui. Sur mon Instagram, sur mon Facebook, Blackjack Démocrate D. Venez sur mon Facebook, Blackjack Démocrate D, mon Instagram, Twitter, je connais pas par cœur, c'est ma fille qui s'en occupe. Moi, je suis en studio, moi, je travaille, moi. Je suis sur le mais terrain. Mais tu as tout, on peut te joindre en tout cas. Voilà, on peut me joindre sur mon association, donc Démocrate des Studios aussi, le Facebook, et puis voilà, je tiens à remercier tous mes partenaires parce qu'ils me permettent d'aller autant dans les prisons, autant dans les quartiers difficiles pour pouvoir justement mener des activités autour de justement du rap, du slam, de la poésie, des instruments comme la percussion, balafon, tout ça que je pratique, et puis voilà, j'essaie de faire bouger les choses, banlieue, conservatoire, prison, Afrique, France, Suède. États-Unis, Suède. Voilà, j'essaie de faire un link. Et puis, merci à tous les invités qui sont là. Ouais, alors on peut saluer deux, trois personnes. Il y a MC Janik qui est là, Daddy Yod qui est là. Il y a du monde, La Mathieu liste Ruben. Est très, très longue. Mathieu Ruben, il y a Melikal, il y a Mamad, il y a du monde. De toute façon, il y a ils vont tous se présenter au micro. Ils vont tous se présenter. Et donc, je remercie franchement. Et puis, surtout les fans qui ont voulu que la réédition se fasse, puisqu'il y avait l'audit sur le net. Il y a pas mal, il y avait beaucoup de demandes de la réédition. Et finalement, c'est fait. Donc, allez vous procurer la réédition, elle est sortie Démocrate le 25. D. Voilà, en puissance et en force. J'aime bien quand tu le prononces. Démocrate D. En puissance et en force, oui. Yeah. Essaie de faire le oui non, en direct. Je te laisse. Au moins une fois. On va voir que tu as du coffre. Alors, donne-moi les mesures. Non, tu prends dans le coffre en bas là-bas. D'accord, dans le ventre. Moi, je dis démocrate D et toi, tu cries simplement oui, le maximum que tu puisses. D. Démocrate D. Ouais. Ah, vous avez entendu, ça le fait. Et donc voilà, mais en tout cas merci à tous les gens qui sont là et puis ouais. Merci à voilà, merci et à bah, toi. On surtout. Attaque le freestyle. Merci Blackjack, Démocrate D, merci Caius aussi pour la sélection. J'oublie pas le nouveau single, mon nouveau single sort le 25. Il s'appelle Kurbata, comme je te disais. Et on te retrouve donc à Orléans en concert aussi. En concert le 27. Et ce soir, enfin, demain, à Orléans aussi. Demain du côté de Lyon. Sur Lyon. Demain sur Lyon aussi, ouais, c'est important. Et puis, n'oubliez pas, voilà, venez, allez acheter l'album. C'est important, ça nous permet justement de big up la voix du peuple. Okay. Allez, on finit en live maintenant. Tout le monde s'installe autour du micro, c'est prêt? Yes. Coup yes. d'envoi pour le freestyle. Bon, bon, bon. En puissance et en force. DM sur la nocturne. Démocrate D. Ouais. Yeah. Oui, en puissance et en force. La réédition. Freestyle. Yeah. Boom, boom, boom, clat. Devine qui revient. C'est démocrate. D qui revient. Venez, boom, boom, boom, clat. Devine qui revient. Démocrate, ah bon, devine qui revient. Regarde ce que la jeunesse en pense. La jeunesse en pense. À part que les jeunes préfèrent faire beaucoup d'argent. Devine, devine, devine. Y'a du monde ici à Skyrock. Y'a du monde ici à Skyrock. Oh, oh. Je m'adresse à ceux qui me comprennent mieux. Quand je parle aux jeunes, bien sûr, ils me prennent pour vieux. Demander si l'école est l'endroit de la force. Au point d'apporter un gun et tirer sur son prof. Aussi cool les nerfs, fait que les gamins n'en peuvent plus. Au détour d'un bloc à peine 10 piges vendus. Si tu me connaissais, tu serais étonné de ma vie. Maintenant j'ai des gosses, une femme, une famille et plus d'amis. Est-ce que vous êtes là, Mr. Janik? La voix du peuple, la voix du peuple, la voix du peuple, la voix du peuple, la voix du peuple, la voix du peuple, avec Blackjack à Démocrate, la voix du peuple, avec Yannick MC, nous sommes c'est la voix du peuple, avec Mathieu Weber, nous sommes c'est la voix du peuple, avec Ragamuffin, nous sommes c'est Ragamuffin. Oh. Il met des gens dans les problèmes comme ça. Système. Mais qu'est-ce qu'il a fait ça? Il met des gens dans les ennuis. Le gars laisse son pays tomber pour la city. Il dit au revoir à sa famille, ses amis. Il veut voyager, aller chercher la vie. Finalement, c'est dans les problèmes qu'il a tégué. La voix du peuple. Non, non, non, non, non, non, non. Je peux pas dire pourquoi. Just a t-shirt avec moi comme again. Mais qu'est-ce qui leur fait ça? Qui met les gens dans les problèmes comme ça? Non, non, non. Mais qu'est-ce qui leur fait ça? Qui met les gens dans les ennuis? Aujourd'hui, c'est plus comme avant. Très tôt maintenant, les jeunes sont conscients. Elle est derrière l'époque de grand-maman. Blackjack, démocrate, ça fait 20 ans déjà. Easy. Alright. J'appuie sur play, jamais sur pause. Si ça te plaît, ouais, je t'en donne à grosse dose. Différents rimes, différents flows, différentes poses. Donne-moi un rythme, un micro, c'est la métamorphose. Mais pas du gasoil dans ton 16S. Je représente la Martinique, des Salines jusqu'au monde des S. Oh yes, yes. Un DJ raga tout droit sorti de la tête. Donnez-moi mon billet, je suis pas venu ramasser les pièces. Personne peut nous stop, personne peut nous fuck. Bomba clap. Bom bom bom clat. Devine qui revient. C'est démocrate. qui revient. Enchaîne ça, Rasta. Bad boy. Renegade bad boy. Respect to the maximum. Respect to the maximum. Big up to me road boy enfermé. Listen me. Yeah. Original ragamuffin without mic in me hand. For me take a boy girl. It is the unnatural. All them talk about badness but them not really mad. Them say they boss gone but them not really mad. Fashion and style now them dress like a woman. Lyrics me give them me wicked and wild. Me show the young, bury the veteran. Cut the time and this a DJ me come to take me place. Me talk but reality be love slackness. Me say like family, be a badness. No girl in a me life, girl business. Yo, me no smile, no me no take this. When me have a problem, me no call police. Me drink creamy and me drink Guinness. Me frost boy, and me no smoke no chalice. But without a gun, I me fi sing this. In a me war, me no run. Remember me tell you this, me no afraid. I no DJ, me no afraid, I no singer. I'm a road boy, high quality. Running a me name anytime me ready. Check the Instagram, me say come follow me. Me respect the Rasta man and the road boy like me. Like people turn, me say bun down ready. Give thanks for life, judge a what you want me. If me no better than them, them no better than me. Yo. Yeah. Genzu pour démocraté. En puissance zéro. Aïe. Damn. Check. Check. Ok. Vite. Passez-moi le mic. Que je te fasse un strike. Pick up a jack mic. Air Force Nike. Coupé, mais pas ton pied. Un move boss. Les négrés ont des checks. Sont des sales gosses. Wool up. Y'a le Kuta et Blazo, my nigga. DAZ et Michel Olin, my nigga. Donc à record, mon label. PXXL. Fais péter mon gombelle. La tienne ou la mienne. On la pètera jusqu'à Vienne. Oh merde. Pas passe pour les bitches. Message. Check le son. Pète l'emploi comme DC. Et carte champagne comme this is. Oh, des pères comme Job 6. Bébé lec, nigga, wap, fais péter les wap. Passe pas pour ta baraka, fais ta baraka, faut raquer. Ok, mais dis pas que je maîtrise pas. Devin, tu reviens. Devin, check. C'est le petit démon. Petit démon. C'était à conspiration. Petit démon. T'es à conspiration, pourriture de A, pourriture de A, pourriture de A, j'reviens avec un goût amer, j'reviens avec un goût amer. Pas de problème sur le beat, tu sais très bien qu'on arrive, qu'on t'espère. C'est comme ça qu'on représente, conspiration dans la tête, dans la tente, ok. On dit les tentes avec Billy Cannes pour Blackjack, c'est comme ça qu'on arrive sur le beat, c'est fucker. Tu connais comment on arrive sur le beat, c'est gars là. Tu connais comment ça se passe, dédicace à ATS 3240. C'est comme ça qu'on arrive, tu connais qu'on arrive à Paris à vitesse. Pas de problème sur le son, on t'agresse. C'est Matt Keaton qui arrive ici, bouge ta graisse. Ça vient de t'écrire 9-4, en passant par 6-3, le 7-7. Quand j'arrive ici, c'est ta putain 3-5-7. Pas de problème sur le beat, tu sais que je suis à tête. Pas de problème sur le beat, je passe pas de crête, mais je suis le coq. Ferme ta gueule, puis je te fuck. Pas de problème, je représente tous les blocs. C'est comme ça que j'arrive. Ok, moi c'est jazz. Avec des scores, c'est des scores jazz. Check comment je kick sur la prod, c'est racaille. Bouteille de Jack dans le crâne. Mon gros label, donc cry. Avec la roue, y'a pas de tchatcheur. T'es cramé comme une daronne avec du tchatcho. J'ai le sang chaud, comme une queue dans une chatte chaude. On kick les scènes et les radios. On kick les beats et les fachos. Des bosquets jusqu'à Soweto. Pour les avoir, il faudra se lever tôt. Allez, fuck le boulot, dodo. Ici c'est les rollos. On se fait des pesos. Avec les sauces à la sauce. Genzu clan, mon ferme il est bosqué. On croit et saille, démocraté. Puissance. Ayo, on continue ou quoi? On continue. J'ai la dinge que je cogite. Faut de balles et flow de calibre. J'suis dans le game et dans la musique. On a les mêmes thèmes mais pas les mêmes titres. Pour que ça marche, il faut que je persiste. Moi je cravache que personne résiste. Un artiste parmi les civils. On en veut mon disque et pas tes centimes. On n'a pas le même niveau. Mène ma guerre depuis le PO. Je veux faire un check de mon sac à dos. Florim, Bédo, j'ai tout ce qu'il faut. 9-4 pour le département. Y'a du love mais très peu d'argent. Sortez les potions et puis les bonbonnes. Faut faire vivre les youth et marmons. Non, je veux pas me cacher. Je veux mon dû, je veux pas le lâcher. Presque 20 ans que je suis venu cravacher. Mets-moi sur la liste des talents fâchés. Imbécile, tu veux nous duper. Parle-nous de vrai, parle-nous de concret. On est dans la zig, pas dans le sommeil. Mais les gars, bombo-clat. Devine qui revient. C'est démocrate. Dès qu'il revient. Que les bombo-clat. Devine qui revient. C'est démocrate. Dès qu'il revient. Devine qui regarde ce que la jeunesse en pense. La jeunesse en pense. Que les jeunes préfèrent faire beaucoup d'argent. Mon gas flow. Oh, mon gas flow. Oh, j'arrive vertu en smoking. J'préfère porter chapeau melon. Du rap français, j'suis le king. Ma tête est grosse comme un melon. Du rap français, je suis le king, ma tête est grosse comme un melon. Du rap français, je suis le king, ma tête est grosse comme un melon. Oh, du rap français, je suis le king, ma tête est grosse comme un melon. J'insiste sur la mise pour éviter toutes ces fulles, ces violons. J'ai bénéficié d'un savoir immense. J'ai du. DJ, fais les vibes. C'est pas fini. Big up, big up. On relance ça. Il y a une nouvelle génération à qui fais les vibes, DJ. On va montrer c'est quoi le secteur 947 Maison Alfort, Capitale Sud. C'est Paris, c'est le 94. Et c'est le bordel dans les studios. Je m'attends du putain de bruit. Invitez le bordel dans les voitures. En plein ramadan, les mecs. Prenez de la force. Le corps va vous donner de la force aujourd'hui. Devine qui revient, yeah. Bam bam bam quoi, yeah. Devine qui revient, t'as la messagère. Devine qui revient, venu pour nous conseiller, yeah. Devine qui revient, c'est le grand black de Democrate. C'est le grand black de Democrate. Venu t'as la messagère. Chicken quand il est cuit à point. Mets tes gants si t'as un plan. Boy, fais ce que t'as à faire. Bellec à pas faire du ferme. Mais en tout cas, Roya fait ça bien. Au charbon, prends tes précautions. On n'aime pas trop salir les mains. Viens chez Wam, sa bibi la one. T'as les Colombiens, je suis algérien. Je compte baiser Marianne jusqu'à la mettre bien. Rien à foutre dans ce béton écramé. Gros, lâchera rien. L'Afrique paye plein de vents à cause des colons et de leurs conneries. Les problèmes ne font que s'entasser. Mais ça, on l'avait prédit. Donc maintenant, ça passe au plan B. Cagoule, pompe, chargée. Si ça tire, ça vise. Pas les bugs, ta tête va finir par sauter. Donc mets-toi sur l'eau. De mon balcon, je regarde ce monde sans fond. Je pas tous les ponts, je me cache, je sais qu'on dans le cinéma, on est loin du Starbucks. Alors, on rêve de grosses sommes. En attendant, nous on consomme. Je me remplis de stress dès que je vois la détresse de mes frères en galère. Je pour le plaisir, pas besoin de money pour la guerre et m'assassine. J'ai traversé le temps, je ne suis plus un enfant, mais en tant qu'adolescent. La jeunesse, que la rue, c'était pas la jeunesse s'exprime. Et petit, tu es Mickey, qu'est-ce que de la CC. Oh, Daddy Yod, King Daddy Yod est là. Ruben est là, MC Janik et toute la jeunesse. Oh, hey, sur le rythme. Hey, sur le rythme. Sur le rythme, moi j'aime, sur le rythme, blonde. Sur le rythme, blague, j'ai, sur le rythme, blague. Sur le rythme, Janik, sur le rythme. Sur le rythme, j'ai, sur le rythme. Sur le rythme, Skyrock, sur le rythme. Sur le rythme, nous sommes sur le rythme. Wagamuffin, nous sommes sur le rythme. Ghetto Youth, nous sommes sur le rythme. Jacobi, moi j'ai, sur le rythme. Oui, on est sur le rythme. Vas-y, Janik, là, on est enchaîné. Là, maintenant, c'est le maître DJ. Wagamuffin, nous sommes nés. Donne-moi du rhum, je ne veux pas de contrex. C'est moi qui te parle, toi pas plein de contrex. T'es ma churenois, ça fait trop de contraste. Alors les types ne me voient pas tellement sur trace. Alors je dépasse, je suis toujours en axe. Posé sur le rythme comme dans un relax. Rouleur à l'heure, j'ai pas de Rolex. Sans rien, t'es ma comment je flex. Encore un autre lyrics. Le rythme était déjà bad avant même que je le mixe. Le rythme était déjà bad avant même que je le mixe. Le rythme était déjà bad avant même que je le mixe. Sur le rythme, oui, nous sommes sur le rythme. Sur le rythme, oui, nous sommes sur le rythme. Sur le rythme, oui, nous sommes sur le rythme. Sur le rythme, oui, nous sommes sur le rythme. Sur le rythme, oui, nous sommes sur le rythme. Sur le rythme, oui, nous sommes sur le rythme. Ok, yo, sur le rythme, sur le rythme. Je suis avec Nicolas et Adnan. Je me balade vers le Luco Pépère dans les rues de Paris. Les couilles, tu sais, parce qu'on est gros, en fait, tu le paries. Tu as du 9 tâches, qu'est-ce que tu dis de ça? Freestyle, et de Dixa, même de Tristan. Il fait le fou, mais quand il y a embrouille, il style. Tous ces MC sont surgelés comme Picard, petite caille. Ils ont tiré dans ta cité en vendant des lèvres, notre cogo, pendant que moi je pourrais vendre tranquillement des CD. Alors, je vais balancer ce freestyle, les plus gros wack du monde sont des CD. Tu prends ta meuf par amour ou ta maîtrise parce qu'elle est bonne, tu n'arrives pas à te décider. Parce que tu cavales, tu fais le mec des cités. Dans ma tête, dans mon projet, nombreux sont mes idées. Hésiter au bout de l'expérience, juste pour voir si ça va chez Marc. C'est tombé des boîtes pour la musique. Ça pas marché, résultat, tu t'es bégué là. Reste pas temps d'agir. Moi je kick, comme dirait Caris dès le départ. T'es un mécanicien en chien, tu viens de briser un cœur. Donc résultat, tu ne fais pas. Oh, mon cassette. Bon, bon, clat. Devine qui revient. C'est démocrate. Sud, ça fait capital Sud, capital Sud. Quand je dirais capital, vous direz Sud, ça fait capital Sud, capital Sud. Mon cœur se remplit d'amertume quand je fume ma clope au balcon. Arabe mousse comme l'écume et mon feu de couche d'aplomb. Quand je kick, ma zik plane dans l'atmosphère. Capital Sud, c'est mon équipe. Pote, j'en suis fier, oui, j'en suis fier. Le rap, c'est vers wesh et fer. Tu sais que je lâche des verres. Mais 10 ans quand je roule des terres, j'ai plus 10 ans. Sur l'instru, je suis calé. Tous les wack MC, je les forcerai à dégager des textes. J'en ai gratté le beat, j'ai débité. Pas d'intrus dans mon cortège, j'écris partout, même au collège. Un rap qui pèse, mais qui t'allège. Un flow garçon, je t'agresse pas, ma clique a du talent et des textes. Yeah, Capital Sud, Capital Sud, Capital Sud, Capital Sud, Capital Sud. Capital Sud, mes plaies, mes diptons font de Paname une ronde. Relativiste, fais pas le con, regarde partout comme la Joconde. Négatif, positif, entre le pour les contagions. Transmissible comme la peste, et fou. Vibrateur qu'une onde, tu incarné dans ce geste. Et ma vie de rappeur, c'est con, j'arrête tout avant que ça pète. Car je sais pas si c'est mon monde, le peur. Ok. Bom, bom, bom, clat, tout le monde. Devine qui revient, c'est démocrate. Crat, devine qui revient. Bom, bom, bom, clat. Je veux dire merci à tout le monde puisqu'on a Juliette, les enfants. SBP au mar, SBP au mar, torse pour vous. Motel sur la lune 6. Au mar, Spoopy les gros. Ce qu'il y a de bien d'être de ce côté, c'est que je peux faire ce que je veux en fait. Merci. Juste deux secondes. Écoutez. Deux secondes les gars. Non, en tout cas, merci pour cette belle nocturne à toi, Black Jack. Merci beaucoup. Merci à toi. Et merci d'avoir invité parce que tout à l'heure, en début d'émission, on parlait justement de ce côté histoire dans le hip-hop, ce passage de relais entre les différentes générations. C'est important. On a pu avoir un aperçu puisqu'il y avait aussi, alors il n'y avait pas que le hip-hop, il y avait le raga. C'est une famille. Le raga, voilà, ça allait. Il y avait Daddy Yod, il y avait MC Janik. Et venez vous introduire là, les gars. Vous-même au micro là. Introduisez directement. Il y avait du monde quoi. Il y avait Marpat Industries, ça va être 9-4, Maison Alpha. Il y avait Afri, Capital Sud. Voilà, il y avait Genzou. J'envoie un big up aussi au Bosquet. Et puis, excusez-moi les gars, là c'est un peu sérieux parce qu'il y a un rappeur qui est décédé. Et il fallait j'envoie un big up. Il s'appelle Siri. Voilà. Cyril Jampou. Jampou, ouais. MC Real. Ouais. D'accord. Donc voilà, il y aura une veillée ce soir à 20h30 à la salle Charlotte Petit à Clichy-sous-Bois. Donc voilà, paix à son âme. Voilà, c'est un big up à un rappeur des Bosquets. Des Bosquets, ouais. Envoyez-lui des doigts. C'est proche, ça. Voilà, famille. Et assez proche

français, planète la nocturne. Être qui? Pilule rouge. Wouh. Melinda Gate, Melinda Gate, oh no. Melinda Gate, c'est pas une news. Melinda Gate, Melinda Gate, oh no. Signe au don du chèque, Melinda Gate, hey, so. Melinda Gate, Melinda Gate. J'bombarde le moteur, compte jusqu'à place dite. Les petits veulent les mêmes choses, l'oseille palpé 45. Ça bouge up, comme à l'époque de 22h45. J'suis de retour, tu voulais voir le king lutter comme Martin. J'suis le front kick dans la porte qui fait bondir ton père dès le matin. J'ai pas de muse abruti, ma seule muse c'est la street. Les frères muses, les frères qui font mumuse. Et ceux qui abusent sur l'islam, c'est précepte. Ainsi que c'est 73 secs. Déposer les armes, ouais, je compte jusqu'à 47. Des refaites, je t'aimerais. Avec un cœur en plastique, j'suis de Paris. C'est toujours un peu Walking Dead à Bastille. Pour Farid, Macan, le petit frère de Hasdin. Le bédo ça rapporte, mais l'héroïne l'a rendu à spin. Anesthésie locale, c'est une opération. Ouais, ouais, j'ai plus d'inspiration que d'expiration. Melinda Gate, Melinda Gate, oh no. Melinda c'est Gate, c'est pas une news. Melinda Gate, Melinda Gate, oh no. Signe au don du chèque, Melinda Gate, hey, so. Melinda Gate, Melinda tu Gate, pourquoi les balles perforent les crânes et les joues? Quand t'apprends que le quartier tourne à 60 000 euros au jour, on se dissout. On se tire dessus pour des petits sous. Tant qu'à faire, je préfère encore de voir que l'oseille à Picsou, c'est le peura. On perce avec des propos odieux, c'est pas en CE2. T'apprends la roca, tu sais O2, réveille-toi. Ils veulent interdire la fessée. Ma langue est une épée, petit cœur, mes parents t'ont blessé. Je suis ghetto, ma soeur, je demande ta main dans un fast-food, une resta. Je me chéca pour pas que ça fasse effet de foule, je les fousille de l'intérieur, je suis chéca dans leur table. Depuis la foudre à canon, j'entends plus parler du kung fu. Les refrais, eau de blé, ne cherche qu'à manger de la viande. Mais toi, tu serres à ta queue comme la ceinture dans l'avion. Tu perceras seulement si tu crains pas le ridicule. Je suis instable à croire que j'habite dans un Rubik's Cube. Je suis posé à leur table, sur leurs mains y'a plein de sang. Je m'investis, violent, comme si je m'appelais Maxence. Les balles fusent, essaie de me désarmer comme Denzel. Ça servira à rien comme tous les Sharingan de Danzo. Melinda Gate, Melinda Gate, oh no. Melinda c'est Gate, c'est pas. Melinda Gate, Melinda Gate, oh no. Signe au don du chèque, Melinda Gate, hey, so. Melinda Gate, Melinda tu Gate. On rit, on pleure, on vit, on meurt. Tout ne tient qu'à un battement de cœur. Mais c'est, j'aime trop la life. Et l'on ne vit qu'une fois. Tout ne tient qu'un cœur qui bat. Être ou ne pas être, moi je veux l'amener comme un bon vivant. J'aime trop la life. Et l'on ne vit qu'une fois. Tout ne tient qu'un cœur qui bat. Comme je n'aurais pas rendu mon dernier souffle. Je respire, l'air est gratuit. Pour l'oxygène, on est tous VIP. Quelle chance, profitons-en. Si Dieu veut, la route est longue, au compteur, trois décennies. Je ne me lasse pas des foules que je déplace. De faire rentrer du cash ou des virées entre amis. Razavid, Dakar ou Miami. Veni, veni, Vichy. Je me rappelle de nos délires de gosses. On rêvait de Nino Brown, on voulait être des boss. Aujourd'hui on fait des disques, on roule dans des gros gamos. Des concerts dans des stades avec du gros matos. Une bonne étoile à bon karma. Je me nourris du positif par les dramas. Je vise haut, je peux franchir l'Himalaya. Avec la foire, avec la baraka. Hey, pop champagne pendant le fiesta. Je kiffe, je m'enjaille et puis basta. Shaki et Benji se baladent sur le terrain comme Lionel Messi et Iniesta. Oui, les deux font la paix. Nous cherchons pas la guerre. Pas le temps pour les redresses qui nous empêchent pas de garder les pieds sur terre. J'aime trop la life et l'on ne vit qu'une fois. J'aime trop la life. Moi je vais l'amener comme un bon vivant. J'aime trop la life et l'on ne vit qu'une fois. J'aime trop la life. Quand je n'aurais pas rendu mon dernier souffle, je continuerai de vivre. Yeah, yeah, yeah, yeah. Pour ceux qui étaient pas là, je te 96. Ne me raconte pas tes histoires de cauchemars. J'ai grandi comme toi dans les cités dortoirs. Mes inconvénients, j'en ai fait des avantages. Ma vie est un livre, tous les jours j'écris une page. J'ai sillonné le monde de long en large. Le vilain vide dans des villages. Trop de visas sur le passeport. On nous reconnaît, on a le passe-droit. Toujours bien accueilli, apprécié par tous. Et ça quel que soit l'endroit. J'kiffe ma life et je la chante. La jeunesse de France, on représente. Ma vie est un sport sans mi-temps ni temps mort. Quand je me touche, toi tu dors, je me lève et tu dors encore. Toujours plus fort, on vient pour péter le score. On enchaîne les records, on veut que des disques d'or. Rappelle-toi, couvre-feu en live du Mirador. De minuit aux aurores, on mettait tout le monde d'accord. Moi je suis un gladiator du 9-5 dans Lyon Nord. Je prends la vie à bras le corps, pas le temps pour les records. J'aime trop la life et l'on ne vit qu'une fois. J'aime trop la life. Moi je veux la mener comme un bon vivant. J'aime trop la life et l'on ne vit qu'une fois. J'aime trop la life. Tant que tu n'aurais pas rendu mon dernier souffle, je continuerai de kiffer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. J'aime trop la life. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. J'aime trop ma life. Comme j'aime trop la night. Moi je kiffe quand sous quel humain je fly. Je remonte le temps un peu comme Marty McFly. Les femmes et leur fort, non, pas la cam ni le corps. T'as les clés de la réussite, moi j'ai les cordes. Ne stresse pas, dans la vie c'est chacun sa méthode. Donc je profite, tu peux que j'ai tant que je l'ai. On m'a dit si t'as des projets, tente-les. Profite de tout, un peu comme si j'étais simplet. Car la poisse ici revient comme si on l'assemblait. Les voir trembler quand je tiens le mic. Les voir sombrer quand je tiens les bacs. J'ai l'air comblé quand je paie mon bac. Au zénith, quand mon gars va sur Arun, I'm back. Les sensations des concerts. Sensationnel est le concept. Si dans nos sons c'est une part de nous-mêmes qu'on sait. J'kiffe trop ma life pour tout lâcher ça, j'le concède. Les sourires de mes gosses. Quand je suis à plat, plus besoin de gosses. On ne vit qu'une fois, quelle que soit l'époque. Donc advienne que pour un cousin, je reste fidèle au boss. J'aime trop la life et l'on ne vit qu'une fois. J'aime trop la life. Moi je veux la mener comme un bon vivant. J'aime trop la life et l'on ne vit qu'une fois. J'aime trop la life. Tant que je n'aurais pas rendu mon dernier souffle, j'continuerai de vivre. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. J'aime trop la life. Planète rap 100% rap français. Nocturne avec Nocpi et Vérité à découvrir maintenant. 100% rap français. Mais pas de regret, mais pas de regret. Je préfère mourir en paix, mourir en paix. Aux jaloux, je lève mon revers, je lève mon revers. Entre nous, on est mauvais, on est mauvais. Je fais de larmes, mais pas de regret, mais pas de regret. Je préfère mourir en paix, mourir en paix. Aux jaloux, je lève mon revers, je lève mon revers. Je me présente. Moi c'est Nocpi, je dis la vérité mais je suis poli. Depuis tout petit, je veux y arriver, percer grâce à mes versets. Des gens me disent d'arrêter, je les écoute pas, ça va payer. Je dis ce que je ressens que quand j'écris, y'a qu'à ma feuille, je raconte ma vie. Trop parler peut tuer, trop sucer peut délaisser. Cette niche d'eau veut l'oseille, elle aura que l'hôtel et une taille. On dit que le bonheur est éphémère, je m'en tape tant chez ma mère. Tu crois que c'est si facile que ça? C'est plus une vie, mais un tournoi. Aux yeux de mes parents, je veux être brillant. Palper beaucoup d'argent. Je sais bien que dans ma vie, il y aura des coups de pute. Mais je ferai tout pour atteindre mon but. Le sud m'a bien accueilli, alors je vous fais une petite dédie. Big up à mon cousin Chocho. À présent, on est un duo. On est un duo. On est mauvais, je fais de larmes mais pas de regrets. Mais pas de regrets, je préfère mourir en paix. Mourir en paix. Aux jaloux, je lève mon revers. Je lève mon revers. Entre nous, on est mauvais. On est mauvais, je fais de larmes mais pas de regrets. Mais pas de regrets, je préfère mourir en paix. Mourir en paix. Aux jaloux, je lève mon revers.